Et je claque les portes, ces histoires d'amour qui deviennent fous. Dans les halls de gare, je les laisse pour mort. J'ouvre le pain de la bouche des terroristes. Faut dire que je fais un terrogéo, que j'ai sinistré plus d'une chose. Ils ont bien raison, les météos se donnent des noms de vie au cyclone. Je le tue la nuit, je tue le temps, je le tue.